Ne me dis pas de faire l'apologie du vrai car je sais pas ce que c'est. Logique, me dis pas si j'en suis ou si tu en es. Je connais que les mecs prêts qui hésitent peu ou pas, qui épatent, qui s'organisent mon pote. Nostalgique de la bonne époque, on a pris le temps. Dos au vent, on traque la rive. Dis-leur qu'on arrive avec une rime de vainqueur et toute la rage de vivre. On monte les gros pour cacher toutes nos barres de rire. On vient tenter le diable à l'aveugle comme si on était d'Ardeville. La prose est vive, franche, sans suivre la marche du vice. Je reste calé au bas fond pendant que ceux qui jouent les vrais bafous les sommets en crever le plafond. Ça tourne en rond, en gros. Le syndrome de la rotation, de quoi noyer le poisson. Ce poison, ce rap game, moi j'y piche que dalle. Je les laisse jouer à leur putain de chaise musicale. Ils disent vrai mais tape trop de blabla. J'ai vu leur clip, ouais, craquage de bling bling. Ça charge des millions de vues. Trop d'outsiders sur le même ring. Ils appellent ça du rap game. Moi j'appelle ça une chaise musicale indigne. De leur bouche sortent trop de caca. Plus de bruit que de fracas. Et ça casse pas des briques. J'ai reconnaître les vrais gars, des vrais gars. Ce qui aura la vraie place, le piédestal. Le chemin est trop long, rempli d'escales. Une vraie farce, ceux qui arrivent sans suer sont de vrais fâches. Des vendus, des remonteurs de pendules. Des joueurs du pendu. Les plus faibles deviennent testeurs sans parachute de pont suspendu. Pendant que je me demande si je tiens le bon bout. Je m'attends pas là, où on m'attend pas là. Où l'encre pisse sur une feuille blanche et prise de traquage. N'attends plus le décompte suivi du fameux réveillez-vous. Depuis que ma vision de l'avenir est floue, j'entends dire que le rap est mort, mais il lui reste encore un bout. Alors je vais lui donner l'impulsion, le coup de pouce. Mais va pas croire que je me la coupe pouce. J'avance, je roule ma bosse, pas besoin de beaucoup de boost. Écoute bien, j'ai arrêté de compter les coups de poire. Ce qui se révélait être des coups de poing. Hey copain, dans le coin, trop de balles copie. Donc où sont les vrais, où sont mes frères au cœur de lion, qui savent et qui gardent le lien. Trop de balles copie dans le milieu, à la recherche de millions à soutirer. Sachez que ce sont eux les tyrans. Comment avoir fond si tu n'as plus la forme normale, qu'on me nomme de mec hors norme. Du coup, du con, la balle est dans votre camp. Il est temps de changer. Y'a pas que les jaloux qui vont maigrir, y'a les fâches aussi. Je continue ma randonnée, faut bien manger, même si je suis mal chaussé. Vrai savent reconnaître, vrai ici. C'est pour mes proches, les MC qui me suivent, et ceux que je suis aussi, de près ou de loin. Si, si, ils disent vrai, mais tape trop de blabla. J'ai vu leur clip, ouais, craquage de bling bling. Ça charge des millions de vues. Trop d'outsiders sur le même ring. Ils appellent ça du rap game. Moi j'appelle ça une chaise musicale indigne. De leur bouche sortent trop de caca. Plus de bruit que de fracas. Et ça casse pas des briques. J'ai reconnaître les vrais gars, des vrais gars. Ce qui aura la vraie place, le piédestal. Où sont mes frères? Dites-moi, où sont mes frères? Ceux qui me suivent. Où sont mes frères? Où sont mes frères?